Tu t'appelles Michel et tout le monde t'appelle Michou. Mich, ou parfois même Mich-Mich. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. La science CQFD, Antoine Beauchamp. Et si on lisait dans les écosystèmes comme dans un livre ouvert grâce à l'analyse des traces génétiques laissées par les espèces qui les peuplent? Cette promesse nous est faite par l'ADN environnemental et c'est notre sujet du jour. Prenez un échantillon d'eau ou de terre, passez-le à la moulinette du séquençage génétique et vous aurez accès à l'ADN laissé dans un écosystème par les espèces vivantes qui le peuplent ou l'ont peuplé. Cette analyse de l'ADN dit environnemental ressemble au couteau suisse parfait pour comprendre l'état de la biodiversité, mais aussi pour faire des suivis de pathogènes ou encore imaginer comment s'alimenter un mammouth. Comment trouve-t-on alors dans l'ADN environnemental des informations que l'on pensait jusqu'ici indécelables et quels sont les progrès encore à réaliser dans ce domaine ? ADN environnemental, la biodiversité de A à Z. Bonjour Lucie Zinger. Bonjour. Nous sommes en ligne avec vous depuis la Guyane. Vous êtes chercheur en écologie détaché au CNRS, au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse. Et bonjour Erwan Kemere. Bonjour. Vous êtes écologue, généticien chargé de recherche à l'INRAE, au laboratoire dynamique et durabilité des écosystèmes à Rennes. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur notre compte X @sciencesqfd pour retrouver toutes les publications qui nous ont permis de préparer notre émission. Elles sont nombreuses. On va donc se plonger tout au long de cette émission dans ces recherches exaltantes autour de l'ADN environnemental, une recherche qui recouvre de nombreux domaines scientifiques. L'ADN environnemental est bien sûr particulièrement utile dans l'étude des écosystèmes. À ce propos, une étude parue dans la revue PLOS Biology en 2011 estimait que 86% des espèces terrestres et 91% des espèces marines restaient encore à découvrir. L'ampleur de la tâche pour les naturalistes est par conséquent colossale et c'est dans ce contexte que l'ADN environnemental pourrait être un allié précieux. Les biologistes embarqués sur le bateau Tara Océan ne s'y sont pas trompés. Écoutez cette archive de 2014, on y entend comment l'ADN s'invite à bord pour mieux comprendre la diversité du plancton. Biodiversité, analyse des écosystèmes, sensibilisation à l'environnement, le projet Tara Océan est fédérateur. Avec plus de 40 laboratoires internationaux associés, c'est tout un protocole commun qu'il a fallu adapter aux différentes missions scientifiques. Basiquement, on essaie de monter un maximum d'eau à bord et après de filtrer cette eau et de filtrer suffisamment d'organismes pour avoir une biomasse suffisamment importante pour en extraire l'ADN, l'ARN et aussi pour prendre des images de ces organismes. Donc là, en fait, il y a un premier filtre qui va enlever d'abord les grosses particules. Et ensuite, ça va venir ici sur un deuxième filtre qui va garder les plus petites particules. Et c'est majoritairement là, des bactéries qu'on essaye de conserver. Donc ensuite, après ce filtre-là, on n'a plus qu'à le mettre au congélateur. Et après, c'est envoyé aux différents labos qui pourront analyser en fait toutes les bactéries qu'il y a sur ce filtre-là. Le prélèvement est assez basique. Après, les méthodes qu'on va utiliser derrière ce prélèvement sont très très nouvelles. Déjà, alors ça, c'est des méthodes qu'on n'utilise pas du tout en océanographie. C'est du séquençage d'ADN massif et de la microscopie à haut débit qui n'ont jamais touché le champ de l'écologie. Donc là, il y a vraiment... Et puis après, en effet, on va faire... L'intéressant, c'est qu'on va utiliser ces techniques ultra performantes à l'échelle planétaire. Donc ça, ça va avoir un intérêt, à mon avis, extrême pour comprendre l'écologie du plancton. Voilà, Erwan Kemere, cette archive, elle est intéressante parce qu'on a les deux aspects de la recherche in situ. On va aller prélever des espèces vivantes dans leur écosystème. Et puis, toute cette dimension génétique qui est plus récente, où on va essayer de séquencer le génome de ces espèces qu'on n'a pas forcément encore identifiées. Séquençage qui va ensuite être fort utile à l'étude de l'ADN environnemental. Comment vous entendez cette archive-là et qu'est-ce qu'elle vous... C'est fascinant parce que c'est vrai que, avec ce type d'outils, avec ce type d'approche, là, donc, cette expédition, elle va parcourir des grandes zones et grâce à ce genre d'approche, on découvre énormément de biodiversité qui était totalement inconnue. Donc, ça permet d'accéder à de la biodiversité cryptique, des choses qu'avec les méthodes traditionnelles, on ne peut pas du tout avoir accès à ça. Découvrir de nouvelles molécules. Qu'est-ce qu'on appelle biodiversité cryptique ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont totalement élusives, qu'on rencontre jamais. Là, ils vont prélever des volumes importants d'eau dans les profondeurs des océans. Et ils vont ramener ça, ils vont filtrer ça, ils vont analyser ça. Et on va accéder à des molécules d'ADN qu'on connaissait pas. On va pouvoir replacer ça dans l'orbite vivant. Et donc, clairement, ce genre d'approche permet de faire quelque chose qu'on pouvait pas faire auparavant. Mmh. Lucie Zinger, comment vous écoutez cette archive aussi? Et est-ce que finalement, Tara, c'est un peu l'archétype de la recherche aujourd'hui mobilisant cet outil précieux qu'est l'ADN environnemental? Ouais, je pense que c'est un très très bon exemple de la mobilisation de l'outil pour poser des questions en écologie et à grande échelle. Et c'est vrai que pour avoir un peu travaillé en fait sur le projet Tara Océan, c'est vrai que grâce à l'outil de l'ADN environnemental, on a été capable de caractériser vraiment l'ensemble de la biodiversité, en tout cas planctonique, donc c'est-à-dire des virus jusqu'au zooplancton qui va être au sommet de la chaîne alimentaire de ces réseaux trophiques, et de mieux comprendre ces systèmes-là qui étaient jusqu'à maintenant très compliqués à étudier parce que principalement composés de micro-organismes qui sont pas toujours cultivables, pas toujours isolables. Donc c'est vrai que c'est toute cette biodiversité invisible qui est beaucoup moins spectaculaire que la mégafaune, qu'un loup, qu'un ours par exemple, mais qui est tout aussi importante à l'échelle des écosystèmes. Erwan Kemere, si on refait un peu d'histoire de ce recours à l'ADN environnemental, c'est un outil qui est apparu relativement récemment. Comment est-ce que vous caractériseriez cette évolution-là de l'intégration de l'ADN environnemental dans vos pratiques? Alors après, les outils génétiques d'extraction d'ADN dans des matrices environnementales, dans le sol, c'est assez ancien, c'est à 20-25 ans, avec l'apparition des méthodes d'extraction d'ADN et puis de la PCR. Mais c'est vraiment dans les années 2010, un petit peu avant, qu'il y a eu vraiment une révolution liée notamment au développement du séquençage au débit. C'est assez récent ça a 10-15 ans. Et puis aussi, en parallèle, il y a eu les méthodes de code barre ADN. Donc c'est cette idée qu'on pouvait utiliser une petite séquence d'ADN de quelques centaines de paires de bases pour identifier une espèce. Et du coup, il y a des catalogues de code barre ADN qui se sont développés. Et du coup, en mettant ensemble séquençage au débit et code barre ADN, ça a permis l'émergence de ces méthodes d'ADN environnemental. Et puis, plein d'outils moléculaires aussi qui sont apparus à ce moment-là pour aller chercher des traces d'ADN dans du sol, dans de l'eau. Donc, et la France a joué un rôle majeur là-dedans, parce que les premiers papiers vraiment d'ADN environnemental, c'est des papiers à la fin des années 2010, notamment l'Université de Grenoble, avec Pierre Taberlet, qui a été un vrai mentor par rapport à ça. Et après, ça s'est développé de façon exponentielle. Lucie Zinger, cet outil, il est utilisé maintenant, alors pas totalement en routine, mais quasiment dans les études dans le domaine de l'écologie, de la biologie marine notamment. Si on devait expliquer sommairement en quoi ça consiste à partir du moment où on réalise un prélèvement jusqu'au moment où on va caractériser la présence d'une espèce ou de plusieurs espèces dans un écosystème, quelles sont les principales étapes et qu'est-ce qui se joue en tout cas entre le prélèvement et l'identification d'une espèce? Alors, c'est une série d'étapes pour arriver à un inventaire d'espèces. Donc déjà, il faut collecter du matériel environnemental et pour ça, il faut bien réfléchir à comment on va s'y prendre pour correctement échantillonner cet échantillon environnemental. Ensuite, une fois que vous l'avez obtenu, on va extraire l'ADN. Donc c'est que ce soit de l'eau ou du sol, par exemple, on va en extraire l'ADN. Donc il y a des protocoles chimiques qui permettent de le faire. Et une fois qu'on a obtenu cet ADN, en fait, donc là, on a affaire à ce qu'on appelle un métagénome. C'est un mélange d'ADN de plein d'espèces différentes et de génomes différents. Et donc, il y a plusieurs stratégies, en fait, pour analyser cet ADN environnemental. Soit vous êtes intéressé à la détection d'une espèce en particulier. Dans ce cas-là, on va utiliser des sondes qui sont spécifiques à cette espèce et qui vont nous permettre d'aller chercher dans ces métagénomes le bout de gène qui correspond à cette sonde pour vraiment dire si l'espèce est présente. C'est ce qu'on appelle la technique PCR, par exemple, où on va essayer d'identifier la présence d'un espace génétique et qu'on va pouvoir recouper avec le prélèvement. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur la PCR. Le cas de la détection d'une espèce, effectivement, repose sur la PCR. Et je pense que tous les auditeurs connaissent bien cette technique-là maintenant, grâce au Covid. Donc ça, c'est exactement ce type d'approche-là qu'on va utiliser derrière. Ça, par contre, ça vous donne juste l'information de la présence d'une seule espèce. Par contre, si vous êtes intéressé à décrire l'ensemble de la biodiversité, on va utiliser une autre approche qui s'appelle le métabarcoding. Donc le principe, il est toujours le même, c'est qu'on va utiliser des sondes qui sont spécifiques d'un ensemble d'organismes d'intérêt. qui sont généralement, enfin, qui appartiennent à un même taxon, quoi, un même clade, pardon. Donc, par exemple, ça peut être des sondes qui sont spécifiques aux bactéries ou des sondes qui sont spécifiques aux vertébrés, etc., etc. Donc ça peut être décliné à toutes les sauces. Et donc, une fois que vous avez ces sondes-là, donc vous allez réaliser une PCR donc pour amplifier l'ADN qui va correspondre vraiment à ces barcodes, hein, ce qu'on appelle ces régions génomiques qui sont informatives pour nous en termes d'identité de l'espèce. Et une fois en fait que cette amplification elle est faite, on va envoyer ces amplicons au séquençage ADN. Donc on utilise des outils de séquençage maintenant assez performants et haut débit. Et donc, une fois que ce séquençage est réalisé, on va utiliser des outils de bioinformatique pour rendre toutes ces informations de séquence plus digestes. Donc, on va un peu faire du nettoyage, on va essayer de regrouper les séquences très similaires entre elles pour faire des paquets de séquences homologues, etc. Et après, on va comparer ces séquences à des bases de référence ADN. Donc ça, on en reparlera par la suite de l'importance de ces bases-là pour pouvoir donner un nom d'espèces à ces séquences. Voilà. C'est un travail de... C'est dans l'ensemble... Merci beaucoup pour ce petit résumé à pas rapide de comment ça se passe. Erwan Kemere, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, juste dire que cette empreinte génétique laissée par les organismes dans leur environnement, il peut avoir différentes formes en fonction de si c'est ça peut être des cellules entières, ça peut être des organites, les mitochondries notamment. Et l'ADN, il peut être encapsulé là-dedans. L'ADN, il a tendance aussi à se colmater à des sédiments et autres. Donc du coup, finalement, les méthodes qu'on va mettre en place pour acquérir cet ADN, notamment les filtres, les pores des filtres, en fonction du type d'ADN qu'on va analyser, on ne va pas forcément utiliser la même chose. Donc il y a déjà des questions qui se posent au départ sur quel type d'ADN je veux récupérer, plutôt de l'ADN intracellulaire, extracellulaire. Donc voilà, derrière, il y a la technologie à développer à ce niveau-là aussi. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en même temps aussi, l'ADN, c'est une molécule particulièrement fragile. Alors comment est-ce que vous gérez cette fragilité-là? Et du coup, voilà, c'est toute la difficulté. C'est que justement, c'est là où peut-être on manque encore un petit peu de connaissances. C'est sur cette dynamique de dégradation et de transport de l'ADN, de dégradation déjà, parce que effectivement, une fois que l'ADN est libéré, alors c'est libéré par le mucus, par les écailles, par les poils des mammifères. Et cet ADN, par définition, dès lors qu'il est sorti de la cellule, il a tendance à se dégrader. Il a sa demi-vie, en fait, on la connaît pas bien, mais elle a tendance à se dégrader assez vite. Ce qui fait qu'il faut, d'une part, essayer de l'avoir assez rapidement et puis ensuite le conserver dans des tampons spéciaux pour pouvoir ensuite la congeler et l'analyser. Alors voilà, après on dit qu'elle est fragile, mais on est aussi capable d'avoir de l'ADN d'espèces, de mammouths ou autres qui étaient présents il y a des milliers d'années. Ça va jusqu'à des millions d'années, je crois. Et ça veut dire quand même que l'ADN est capable quand même de résister au temps. Mais ça va dépendre de justement avec quel hôte, s'il est présent dans le sol ou s'il est présent colmaté des sédiments, il va avoir tendance à avoir une demi-vie beaucoup plus importante. Donc en fait, tout dépend de la question et de ce qu'on cherche. Tout dépend aussi du milieu dans lequel on va trouver cet ADN. Lucie Zinger, vous souhaitiez réagir? Je voulais juste un peu compléter ce que disait Erwan, c'est qu'effectivement, en fait, l'ADN, quand il est intracellulaire, la question ne se pose pas, il est bien protégé. Mais une fois qu'il se retrouve en dehors de la cellule, effectivement, généralement, il a tendance à se fixer très vite sur des particules, en fait. Et donc là, il est protégé, en fait. C'est pas si fragile que ça, une molécule d'ADN. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à se dégrader, à se décomposer. Et après, sa décomposition, elle va dépendre de tout un tas de choses, parce que ça va dépendre de l'activité biologique, par exemple, des micro-organismes qui sont environnants, parce que l'ADN, c'est une source de phosphore, c'est une source de carbone, c'est une source de... Donc, c'est à manger, hein, concrètement, pour tout un tas d'organismes. Et donc ça va dépendre de l'activité biologique, ça va dépendre de la température, hein, par exemple, quand il fait plus froid, justement, l'activité biologique, elle est réduite, donc l'ADN se dégrade moins vite, etc., etc. Donc, voilà. Erwan Kemere. Et du coup, ça nécessite de développer des stratégies d'échantillonnage, sachant ces conditions environnementales. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est sur des périodes très chaudes ou des périodes où il y a beaucoup d'activité biologique, beaucoup de dégradation, forcément, on doit faire attention à notre stratégie. On a des fenêtres. L'emprise, comment expliquer? C'est-à-dire, quelle information de biodiversité il y a derrière notre échantillon va dépendre finalement directement de cette dynamique de dégradation. Est-ce que c'est une information plus ou moins récente qu'on va avoir? Et puis, on en reparlera aussi. Il y a des aspects dynamiques aussi de transport qui est très important à considérer. Et on verra que ça fait partie des limites ou en tout cas des obstacles quand on étudie l'ADN environnemental. Mais avant d'arriver est quand même à ses limites. On va quand même parler des promesses que ça recouvre. On évoquait cette question très importante, Erwan Kemeré, des milieux dans lesquels on va prélever l'ADN environnemental. Est-ce que concrètement, tout milieu est propice, que ce soit l'eau, le sol, l'air, à la conservation d'une forme d'ADN environnemental? Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'au départ... ça a commencé beaucoup avec le sol et puis l'eau. Et puis maintenant, les gens commencent à regarder ça dans l'air aussi. Et ça, sur, y a beaucoup de travaux, que ce soit en forêt tropicale ou en milieu tempéré, même dans la neige, dans la glace, on trouve de l'ADN partout. Voilà. Et on adapte forcément les protocoles à ces matrices-là. Et non, oui, effectivement, n'importe quel milieu... ça peut être effectivement aussi directement les fleurs. Il y a des gens qui analysent l'ADN dans du miel, par exemple, pour savoir quelles sont les espèces de plantes qui ont servi à faire ce miel-là. N'importe quel échantillon environnemental va contenir cet ADN et va le conserver assez longtemps. Vous parlez à Erwan Kemeré des fleurs. C'est intéressant parce qu'il y a une étude qui est parue dans la revue Ecology and Evolution en 2019. Ils avaient pris une fleur de céleri sauvage et ils se sont rendus compte qu'elle portait l'ADN de 25 espèces différentes d'insectes, d'araignées, d'arthropodes. Donc ça, c'est fou, Lucie Zinger, de pouvoir se dire que, voilà, l'ADN environnemental rend la nature encore plus vivante que vivante. Et on a tout d'un coup un monde qui s'anime encore plus quand on a recours à cet outil-là. Ouais, tout à fait. Mais en plus, ça nous renseigne, enfin, ça nous donne vraiment des informations intéressantes auxquelles on n'avait pas forcément facilement accès sur, par exemple, l'interaction entre espèces. Enfin, vous mentionnez l'exemple des fleurs. Bon, bah voilà. Est-ce que les interactions entre espèces sont spécifiques ou pas? Ça, c'est des choses auxquelles l'ADN environnemental va nous permettre de répondre. Ouais, je rebondis là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que, au-delà des simples listings d'espèces d'inventaire, le fait que des espèces soient présentes au même moment, au même endroit, il y a des gens qui vont construire des modèles sur les interactions entre ces espèces. Et puis en regardant, par exemple, effectivement, une fleur ou en regardant l'ADN environnemental sur les pattes d'un insecte, ou en regardant les espèces qui sont présentes dans des fesses, ça nous donne ici une idée un petit peu de la structure et le fonctionnement des écosystèmes au-delà des simples présences des espèces. Vous parlez des fesses, tout simplement, étudier les crottes d'un animal va nous permettre de le situer dans ce qu'on appelle le réseau trophique et de le situer dans la chaîne alimentaire. Il y a les aspects fonctionnement des réseaux trophiques et puis aussi dans des projets de biologie de la conservation. On avait une étude récemment en Guyane, justement, sur la loutre géante, où on voulait essayer d'identifier le régime alimentaire de ces loutres dans des marais de Caux qui sont situés au sud de Cayenne. Et il y a une étudiante de master qui est partie là-bas et qui a récolté des fesses sur des petits îlots un peu partout dans la réserve. Et à partir de ça, on connaissait rien de ce régime alimentaire. Quelles espèces particulièrement, c'est l'autre géante prélève. Et du coup, on a récupéré l'ADN grâce aux méthodes que décrivait Lucie. On a séquencé tout ça et on a récupéré on avait des bases de données assez exhaustives des espèces de poissons présents dans ces milieux. Et du coup, ça nous a permis de savoir que la loutre géante, par exemple, elle ciblait préférentiellement telle ou telle espèce de poisson, qui allait peut-être avoir des conflits d'usage par rapport aux pêcheurs qui prélevaient aussi ces poissons-là. Donc voilà, ça permet aussi de comprendre un petit peu dans des projets de conservation les besoins des espèces qui sont en danger ou d'intérêt de conservation. Lucie Zinger, c'est aussi une forme de super loop, cet ADN environnemental, parce que quand on est, par exemple, écologue ou qu'on va s'intéresser à une espèce en particulier, on va prendre par exemple un cas assez emblématique, le loup, et qu'on le suit à la trace, parce que c'est très difficile de voir un loup, là on peut aller encore plus loin en observant dans la trace la présence de l'ADN de ces individus qui sont présents et de pouoir dresser finalement une carte d'identité d'une meute et mieux comprendre leur fonctionnement. Oui, tout à fait. À partir de cet ADN, vous pouvez effectivement identifier vraiment, enfin, dans un pédigré ou dans une généalogie, à quel individu vous avez affaire. Et au-delà de ça, effectivement, de caractériser, enfin, étant donné que c'est plus facile de les détecter, quel que soit, enfin, on a juste à collecter un échantillon pour essayer les observer, bah de mieux cerner quelque part leur aire de distribution. Et ça, c'est des questions super importantes dans un contexte de conservation, typiquement. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On l'a peu évoqué, Erwan Kemeré, dans cette question autour de l'ADN environnemental. On s'est beaucoup consacré à la biodiversité, mais il faut bien dire aussi que ça a une utilité dans tout un tas de secteurs. Je l'évoquais au début de l'émission, aussi bien dans le domaine de la santé publique que voilà, un milieu, c'est pas seulement l'air, la terre, l'eau, ça peut être aussi un intestin, ça peut nous permettre d'accéder aussi à plein d'autres informations. Vous, vous êtes écologue, donc ce qui vous intéresse, c'est la biodiversité, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cet aspect couteau suisse de l'ADN environnemental? Bah, ça a été beaucoup utilisé au moment du Covid, notamment pour essayer de voir si dans les eaux des égouts, il y avait présence d'ADN du virus. Donc en tout ce qui est suivi de pathogènes, suivi d'invasions, on a des études, par exemple, dans les Pyrénées sur des pathogènes qui infectent les truites, sur lesquelles on travaille directement avec des outils d'ADN environnemental pour détecter le pathogène dans l'eau. On a même mis au point des tests pour détecter de façon non invasive le pathogène dans les urines des poissons. Donc on met les poissons dans des bouteilles d'Evian, on attend un petit peu. On les remet dans le milieu naturel et ensuite on va filtrer la bouteille d'Evian et on va être capable de savoir si effectivement elle est infectée par le pathogène. Et ensuite on va aussi détecter les différents hôtes, on comprend mieux les systèmes parasitaires. On peut avoir une carte de prévalence de la maladie à l'échelle des Pyrénées, alors qu'auparavant c'était complètement impossible. Et en plus, ça, s'il fallait zigouiller tous les poissons pour se rendre compte qu'ils étaient sains ou malades, clairement c'était pas du tout envisageable. Lucie Zinger, là, Erwan Kéméré souligne un point extrêmement important en matière de recours à l'ADN environnemental, c'est cet aspect non-invasif qui est un peu le Graal quand on veut faire de l'observation de la nature, d'être le moins présent et de perturber le moins possible les écosystèmes dans lesquels on veut faire des recherches. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est vrai que pouvoir travailler juste à partir d'un échantillon environnemental, on va dire a priori inerte, hein, parce qu'il y a quand même des micro-organismes dedans. Mais donc ça, c'est vraiment un avantage. Après, il y a certaines approches de l'ADN environnemental qui reposent, par exemple, sur la collecte de certains organismes aussi. Hein. Enfin, on parlait d'échantillonner des échantillonneurs. Et ça, par contre, ça pose un peu des questions. Alors, détaillez-nous ce que c'est qu'un échantillonneur, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Oui, pardon. Alors, en fait, par exemple, si vous prenez une forêt, vous voulez décrire la diversité des vertébrés dans cette forêt, quelle est la meilleure façon d'échantillonner l'ADN de ces vertébrés? En fait, il n'y a pas énormément de solutions parce qu'on est dans un système qui ne va pas être aquatique. Donc, du coup, le transport de l'ADN ne se fait pas bien. Et donc, l'une des façons, en fait, d'échantillonner l'ADN de ces vertébrés, c'est d'échantillonner les organismes qui vont se nourrir de ces vertébrés. Donc, par exemple, si vous allez poser des pièges à moustiques en forêt, eh bien, à partir des repas sanguins de ces moustiques et de l'ADN qu'ils contiennent, vous allez pouvoir retrouver quelles sont les espèces de vertébrés qui sont présentes localement. Donc ça, c'est un échantillonneur. Erwan Kéméré, vous êtes plutôt aquatique. L'éponge aussi, c'est l'échantillonneur parfait. Voilà, il y a des travaux du groupe de Mariani qui ont montré qu'avec en récoltant l'ADN, en fait, en grattant les éponges, on a accédé à une concentration d'ADN de... L'éponge, elle filtre des milliers de litres, alors que nous, avec nos petits filtres qu'on utilise sur le terrain, on va filtrer des dizaines de litres maximum. Donc, clairement, ça peut être un vrai avantage. Les concentrateurs, on a des projets, par exemple, en Guyane aussi, où on veut étudier la biodiversité, les assemblages de poissons dans les fleuves. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des petits crabes, des petites crevettes. On va étudier l'ADN stomacal digestif de ces crabes et crevettes. Et vu que c'est des espèces qui sont détritivores, qui passent leur temps à manger les petites particules de poissons, les tissus et tout, en étudiant leur diversité digestive, et ben finalement, on a le reflet de ce qui est présent localement. Et on a montré que finalement, on avait une idée des espèces qui était comparable et complémentaire même à ce qu'on avait en faisant des dizaines et des dizaines d'heures de filets en fait pour récupérer ces espèces de poissons. Lucie Zinger, on emploie beaucoup depuis tout à l'heure le terme d'échantillon. Ça ressemble à quoi un bon échantillon d'ADN environnemental? Parce que ça peut être à la fois de très grandes quantités, de toutes petites quantités. Comment est-ce que on va estimer l'échantillon et la quantité d'échantillons nécessaires pour mener une étude à bien? Vous posez une question qui fâche parce que c'est une question qui est vraiment difficile en fait à laquelle c'est difficile de répondre. Concrètement, un bon échantillon, par exemple dans un système terrestre, pour inventorier par exemple la biodiversité du sol, puisque c'est là-dessus que je travaille en particulier, ça va être un échantillon souvent un peu composite, donc de plusieurs petites carottes de sol qu'on va prélever un petit peu partout sur une surface donnée, qu'on va mélanger en fait et dont on va extraire l'ADN. L'idée, c'est d'être représentatif de l'air qu'on étudie. Et ça, c'est toujours un peu compliqué et c'est très question dépendant. Voilà, ça dépend vraiment c'est du cas par cas, Erwan Kemere. Et en matière, du coup, de, j'évoquais en début d'émission cette étude qui était parue en 2011, qui faisait état de toutes ces espèces qu'on n'a pas encore découvertes. Et les proportions sont colossales. On parle de 86% des espèces terrestres non encore identifiées, 91% des espèces marines non encore identifiées. Bon, je ne sais pas si ces statistiques sont questionnées ou en tout cas revues à la baisse ou pas. En tout cas, dans ce contexte-là, comment est-ce que l'ADN environnemental peut nous permettre d'identifier une nouvelle espèce? Et est-ce que, en prélevant par exemple un échantillon de la rivière à côté de chez nous, on peut dire, grâce à l'ADN environnemental, j'ai identifié une nouvelle espèce? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, lorsqu'on analyse les jeux de données de métabarcoding, après le séquençage, on récupère un listing de séquences, on les compare à des bases de données de référence. Et on découvre des choses qui correspondent à des espèces connues. Il y a des choses, c'est pas connu parce que tout simplement, le catalogue est pas complet. Donc, du coup, c'est difficile de savoir si c'est parce que le catalogue est pas complet ou c'est parce que c'est une nouvelle espèce. Dans la mesure où le catalogue serait complètement complet, c'est le cas pour certains groupes taxonomiques, hein, des vertébrés et autres, on peut imaginer effectivement trouver des espèces. Alors, il y a des groupes, en fait, faut imaginer que il y a des groupes d'espèces qui sont mal décrites ou voilà, c'est des espèces très très proches et du coup, c'est très difficile visuellement de discriminer les différentes espèces. La génétique peut permettre de faire ça. Voilà. Là, les micro-organismes, par exemple, ah oui, des études, j'ai repéré une étude parue dans Nature en 2017 où ils avaient, dans l'eau, dans les océans, détecté 33 000 séquences virales, dont plus de 65% étaient encore inconnues. Donc là, on perçoit vraiment, Lucie Singer, l'utilité de l'ADN environnemental pour observer ce monde indécelable. Si on parle d'espèces, là, si on parle de macro-faune, d'une certaine façon, est-ce que on peut imaginer découvrir une nouvelle espèce de mammifère, de poisson, grâce à l'ADN environnemental, ou bien est-ce que là, c'est encore plus compliqué? Je pense que l'ADN environnemental, il va surtout nous aider à la prospection de ce genre de choses-là. Donc, on va potentiellement détecter quelque chose, mais il faudra toujours le valider derrière avec des observations. L'ADN environnemental, dans ce sens-là, ouais, je pense quoi, c'est pas le seul outil qu'il faudra mobiliser pour faire ça. L'avantage que ça, c'est qu'en tout cas, c'est un outil qui est très sensible. C'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, que ce soit dans l'eau ou autre, il va falloir faire énormément d'efforts d'échantillage avec les méthodes traditionnelles pour essayer de découvrir une espèce. Alors que là, on a, avec les profondeurs des séquenceurs actuels, on appelle ça le profondeur parce que ça séquence énormément, la capacité d'aller chercher des choses qui sont vraiment cryptiques. Et du coup, peut-être de révéler des choses qui sont présent très très faible quantité dans un environnement, donc des espèces qui sont très rares. Donc c'est en ça qu'effectivement ça peut faire ressurgir des choses qu'on pensait peut-être disparues ou pas présentes en tout cas dans cet environnement. Voilà, et ce qui est sûr là aussi, Erwan Kemere le suggérait tout à l'heure, Lucie Singer, c'est que ça n'enlève pas la nécessité d'un travail d'observation de terrain et le travail de base du naturalisme reste le même. C'est complémentaire, mais ça ne remplace pas ces observations directes. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que, enfin, l'ADN environnemental, en fait, c'est un outil dont les naturalistes peuvent se servir pour de la prospection, justement, pour essayer de se diriger vers des endroits où ils ont peut-être plus de chances de rencontrer leur organisme préféré, etc. Mais le travail des naturalistes est essentiel et il est essentiel aussi dans le sens où il faut, comme le disait Erwan, renseigner les catalogues génétiques. Et donc, ce travail-là, il est souvent fait grâce à eux, quoi. Erwan Kemere. Ouais, je voulais dire aussi que c'était très important parce que sans recul, sans expertise par des naturalistes, si on prend simplement un fichier de données qu'on récupère d'un séquenceur, on peut très facilement dire des bêtises. En fait, parce que il y a des faux positifs, des faux négatifs, il y a plein de choses qui apparaissent dans ces listings. Et c'est bien d'avoir au départ un naturaliste qui va nous aider à mettre en place la stratégie d'échantillonnage, un naturaliste qui va aussi nous aider à compléter les bases de données et puis un naturaliste qui va nous accompagner à interpréter les données pour pas dire des bêtises parce que on peut quelquefois récupérer une espèce qui est pas présente du tout dans la région et en fait le naturaliste va être capable de dire oui effectivement que c'est probablement une erreur, nous aiguiller et du coup effectivement on va s'apercevoir qu'il y a un biais potentiel. La recherche scientifique reste encore et toujours et heureusement une affaire de dialogue et de partage des connaissances entre les différentes spécialités. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette émission autour de l'ADN environnemental et on va se poser la question dans le reportage de cet ADN ancien. Par Marc Langan dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui d'ADN environnemental en compagnie de Lucie Zinger, chercheur en écologie détachée au CNRS, au Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement à Toulouse, et en compagnie également d'Erwan Kéméré, écologue, généticien, chargé de recherche à l'INRAE, au Laboratoire Dynamique et Durabilité des Écosystèmes à Rennes. On en arrive à présent au reportage du jour. On l'a vu en première partie, l'ADN environnemental nous renseigne sur la biodiversité actuelle, mais peut aussi nous renseigner sur la biodiversité passée à partir de vestiges enfouis qui s'avèrent utiles dans le domaine de la paléontologie. Pour le reportage du jour, Céline Lozen, vous êtes allée voir comment on examine des échantillons environnementaux à l'Institut Jacques Monod de l'Université Paris-Cité. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Oui, au sein du pôle paléogénomique et taphonomie moléculaire, qui accueille des projets de recherche variés en paléoécologie, phylogénie ou phylogéographie. Eva Maria Geigel, paléogénéticienne, m'a expliqué les méthodes utilisées pour exhumer l'information séquestrée dans de l'ADN environnemental ancien, dont les échantillons arrivent souvent de manière très dégradée. Pour les examiner en évitant toute contamination, il faut suivre un parcours très rigoureux en laboratoire de haut confinement, où cet échantillon va subir une série d'analyses au bout des l'ADN environnemental pourra être décrypté. Nous, on analyse les échantillons environnementaux anciens qui sont des os, des dents, qui sont préservés dans le sol. Ils sont colonisés par les micro-organismes du sol et donc ce sont véritablement des échantillons environnementaux. Donc colonisés par les micro-organismes du sol qui se nourrissent de cette matière organique et qui dégradent donc aussi bien l'ADN que les protéines, que les carbohydrates. Et, mais dans, s'il y a certaines conditions physiques ou chimiques qui empêchent aussi les bactéries de tout bouffer, de tout dégrader, il peut rester des traces d'ADN ou des protéines qu'on peut analyser. La procédure est qu'on commence à on obtient les ossements dans des sacs en plastique, on les photographie pour avoir une trace, et après on change, donc on va dans nos vestiaires. Donc ici on rentre, c'est le laboratoire est fermé à clé, et on a un sas qu'on peut ouvrir uniquement d'un côté. Et là, on change, on enlève la blouse et on met des combinaisons entières, de haut en bas, avec des chaussures. Et on en rajoute encore des combinaisons et on change les gants ou on rajoute des gants. Le risque de contamination est vraiment minimisé. Une fois qu'on a fini ce circuit de décontamination et analyse avec un tas de machines, j'imagine un PCR amplification, qu'est-ce qu'on obtient au bout du processus vraiment? Qu'est-ce qu'on lit comme information? Donc, ce qu'on fait pour les sédiments, on le pèse, on les met dans des petits tubes. Après, on met un tampon, c'est-à-dire une solution transparente qui contient des molécules qui désintègrent des matrices osseuses, parce que même dans le sédiment, il y a des tout petits bouts d'eau auxquels l'ADN est accroché ou même intégré dedans. Et donc, on désintègre cette matrice osseuse pour libérer l'ADN. Après, on le purifie à travers une colonne en silice avec différents produits chimiques à différents pH. Et ensuite, c'est une longue procédure de préparation de ce qu'on appelle les banques d'ADN. C'est une cascade de réactions chimiques qu'on fait subir à ces molécules d'ADN anciens. Et ces molécules, on met des adaptateurs à chaque extrémité de chaque molécule. Quand je dis adaptateurs, ce sont des petites séquences d'ADN, simples brins, d'une séquence qu'on connaît, qui sont synthétisées chimiquement et qu'on, avec un processus enzymatique, on les attache sur les molécules anciennes. Et à partir de ces adaptateurs, comme on les appelle, on peut multiplier les molécules et donc aussi les molécules qui sont entre ces adaptateurs. Et ça, on appelle après la banque d'ADN. Et ces banques d'ADN vont être quantifiées, donc purifiées, quantifiées, multipliées, à nouveau quantifiées, etc. Et à la fin, ils vont être séquencés. Et ça, on peut voir dans la plateforme de génomique qu'on a ici aussi à l'Institut. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on pourrait faire un truc dans la plateforme? Thierry Grange, je suis directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe avec Eva-Maria Gailleux. Et je suis en train de former une jeune étudiante qui s'appelle Manon Stepanov, qui travaille avec nous. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de faire la dernière étape avant le séquençage de tout un tas de banques génomiques que nous avons construites à partir d'une grande diversité d'échantillons qui sont environnementaux, mais qui sont en fait des fossiles dans l'environnement, contenant de l'ADN endogène ancien, et puis de l'ADN environnemental qui s'est introduit dedans au cours des années. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on convertit cet ADN qu'on extrait pour le mettre sous une forme qui permet le séquençage. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir déterminer quel est le contenu dans ces échantillons en ADN ancien et en ADN environnemental et quel type d'ADN on a à faire. Donc là, on est dans la salle des PCR et des machines. Exactement, la plateforme de génomique. D'abord, il y a les portoirs. Là, c'est du 300... combien ? 384. 384. Donc... et ensuite il y a d'autres racks, d'autres types de portoirs pour mettre des tubes plus gros. Généralement on met le mix de PCR dedans. Donc ça, tout se positionne dans le robot en fonction du programme qu'on a designé. Et ensuite on vient avec nos plaques qui contiennent nos échantillons. Et le robot va venir piqueter dans les échantillons pour mettre dans une plaque plus grande. Et ensuite on peut mettre dans la machine à PCR pour quantifier l'ADN et voir la quantité d'ADN qu'on a. Ah bon. Donc là, je suis en train de distribuer des solutions. À la pipette dans le plaque de puits. Voilà, de façon à ce que l'on puisse faire travailler le robot pour qu'il nous pipette ces échantillons. Donc je mets en place les différents réactifs qu'on va faire pipeter au robot. Et maintenant, on va demander à ce robot de faire le pipetage qu'on veut. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Erwan Kéméré, là on est dans le labo, on entend toutes ces manipulations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que si l'ADN est conservé, il peut nous permettre d'avoir un portrait aussi fidèle que possible dans le temps long de l'évolution d'un écosystème donné ou de la vie d'une espèce éteinte. Ça aussi, c'est l'un des aspects très précieux de l'ADN environnemental. et de vous renseigner quelquefois sur le climat aussi, l'évolution du climat, parce que finalement la biodiversité c'est aussi le reflet du climat, et du coup il y a pas mal d'études qui se font en faisant des carottes dans les sols, notamment dans les lacs, et qui permet de revenir dans le passé, d'analyser ces différentes fractions du sol qui représentent différentes périodes de temps, et de voir effectivement l'évolution du climat, l'évolution de l'interaction entre l'homme et la nature aussi, en fonction des pratiques d'élevage et autres. On retrouve un petit peu tout ça dans le sol, tout cet ADN-là. Lucie Zinger, une réaction aussi à ce reportage dans les équipes d'Eva-Marie Gayol? Ouais, non, c'est sûr que l'aspect de la paléo-écologie ou du paléo-environnement, c'est quelque chose qui fait un peu rêver tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir accès à cette information du passé. Et effectivement, comme le disait Erwan, à partir de carottes sédimentaires, par exemple, eh bien, on peut essayer, de la même façon, enfin, jusqu'à maintenant, c'était fait avec des pollens, en fait. Les gens utilisaient les pollens pour essayer de retracer les formations végétales du passé. On peut faire ça avec l'ADN maintenant, avec l'avantage que certains pollens en fait se dégradent très vite, ce qui est moins le cas de l'ADN. Donc ça peut apporter une vision complémentaire un peu plus fournie de ces écosystèmes passés. Erwan Kemeré, depuis le début de cette émission, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de défaut à l'ADN environnemental en tant qu'outil et méthode d'analyse notamment des écosystèmes. Il y a quand même bien quelques limites, quelques défauts à cet outil-là qui n'est pas encore parfait, à 100%. Est-ce que vous pourriez quand même faire amende honorable et nous dire les limites de cet outil? Il y en a, c'est sûr. C'est une discipline assez récente. L'analyse de l'ADN environnemental, je l'ai dit tout à l'heure, il y a fait une quinzaine d'années qu'on étudie ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore totalement compris à quelle vitesse ça se dégrade, comment ça se transporte. Et que du coup, on a du mal à interpréter finalement la donnée de biodiversité qu'on analyse. Et du coup, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment progresser. Et puis aussi, les méthodes, qu'on a vu que c'était une succession d'étapes. Et plus vous avez d'étapes, plus vous avez de sources d'erreurs potentielles, de biais potentiels. Au moment de l'échantillonnage, il peut y avoir des contaminations. Au moment des analyses en labo, il y a des contaminations, même malgré toutes les précautions qu'on peut prendre. Nos catalogues de code-barres ADN, ils sont incomplets. Donc tout ça, c'est des défauts potentiels de cette approche-là. Et donc du coup, faut être très prudent, parce que lorsque les premières études d'ADN environnemental, par exemple dans la mer, les chercheurs, ils ont sorti des papiers dans des grosses revues, ils avaient pris quelques litres d'eau, ils avaient dit, regardez, avec quelques litres d'eau, je retrouve tous les poissons de la Manche, alors que avec un filet ou quelques méthodes traditionnelles, on est beaucoup moins précis. Alors que finalement, ils avaient travaillé dans une zone où il y avait énormément de courant et tout ça, voilà, ça montre qu'en tout cas, on a besoin vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et l'IFREMER et beaucoup d'instituts travaillent actuellement à essayer de modéliser cette dynamique, cette écologie de l'ADN environnemental, cette dynamique spatiale et temporelle. Vous soulignez quelque chose de très important, c'est le fait que si on détecte de l'ADN d'une espèce, ça n'est pas forcément parce que cette espèce est présente sur le lieu où on a identifié la présence de l'ADN, mais qu'elle a pu être présente, par exemple, dans le cadre d'une rivière, elle présente en amont. Et il y a un autre fait aussi, Lucie Zinger, c'est que ne pas trouver d'ADN d'un individu ne signifie pas que cet individu n'est pas là. Et là aussi, c'est le revers de la médaille de l'ADN environnemental. Ouais, en fait, on a le problème des fausses présences dont vous venez de parler, et on a le problème des fausses absences parce que, par exemple, l'espèce elle est présente en trop faible densité pour qu'on puisse vraiment la détecter, ou parce que les outils, les protocoles d'extraction d'ADN qu'on utilise sont pas suffisamment performants ou biaisent la détection de cette espèce, ou les sondes qu'on utilise biaisent la détection de ces espèces. Donc ouais, effectivement, on a l'ADN environnemental, alors disons qu'en écologie, quand vous faites un inventaire d'espèces, vous avez toujours le risque de la fausse présence. La détection d'une espèce, c'est quelque chose de compliqué. Avec l'ADN environnemental, on a d'une part les fausses absences et les fausses présences en plus. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de choses qui sont un peu compliquées à... Et on peut ajouter à ça aussi la question épineuse de l'abondance de ces espèces. Erwan Kemeré, comment est-ce qu'on estime justement l'abondance de la présence d'individus d'une même espèce à partir de prélèvements d'ADN environnementaux? Et là aussi, quels sont les principaux biais auxquels vous allez être confrontés? Très compliqué, parce que vu qu'on n'a pas accès aux individus, on n'est pas capable de savoir, par exemple pour les poissons, si on a plusieurs petits ou un gros, par exemple. Donc on a une idée, on a une quantité de séquences qu'on obtient, mais c'est rarement directement proportionnel à la biomasse ou à l'abondance. Donc il y a des facteurs de correction, ça marche plus ou moins sur certains groupes. Je sais que sur les bactéries par exemple, ou sur des micro-organismes, on a tendance à mieux accepter l'idée d'avoir une quantité d'ADN correspondant à la quantité de bactéries. mais sur des groupes comme les poissons ou autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et là aussi, bon, il y a d'autres éléments que nous ne permettent pas de comprendre l'ADN environnemental, comme l'état de santé d'un individu, sa taille, le stade de développement auquel il se trouve. Tout ça, finalement, nous renvoie à des questions plus d'ordre plus général sur notre compréhension du comportement de l'ADN dans l'environnement. Là aussi, c'est des questions qui sont très très importantes, très intéressantes, et sur lesquelles travaillent les chercheuses et les chercheurs actuellement. Lucie Zinger, par exemple, on ne sait pas très bien comment se comporte dans le temps l'ADN en dehors de la cellule. Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui est épineuse. Ouais, tout à fait. Et puis, enfin, comme je vous le disais en début d'émission, ça dépend beaucoup. Enfin, c'est très contexte dépendant. Ça va beaucoup dépendre des conditions physico-chimiques et biologiques dans lesquelles cet ADN est présent. Il y a des conditions dans lesquelles l'ADN va être beaucoup moins persistant. Par exemple, les forêts tropicales où ça se dégrade très vite, versus les permafrosts où là, l'ADN, parce qu'il fait froid, il y a peu d'activité biologique, et bien l'ADN va être conservé pendant beaucoup plus de temps. Et de la même façon, sur la question de transport aussi. Bah, tous les systèmes ne vont pas être soumis aux mêmes intensités de transport d'eau surtout, parce que c'est surtout par l'eau et puis par l'air aussi que cet ADN se transporte. Donc ça pose vraiment la question de comment en fait on caractérise la fenêtre spatiale et temporelle que couvre le signal qu'on récupère in fine avec l'ADN environnemental. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux pour mieux comprendre cette fenêtre-là, parce que si on veut après appliquer l'outil dans un contexte, par exemple, de surveillance, de diagnostic, et ben là, la question de la standardisation, elle est très importante, et donc ben on est un peu coincé avec actuellement. Erwan Kemere. Deux points sur lesquels je voulais revenir. Lucie vient d'en parler, l'intercalibration avec les approches traditionnelles est très importante. Pour beaucoup d'applications, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Pour certaines, par contre, ça a déjà été fait. On a nos collègues de l'INRAE à Thonon qui travaillent sur les diatomées, donc ces petites algues qui vont être présentes sur des biofilms. Et ils ont des méthodes d'ADN environnemental pour analyser les assemblages d'espèces des diatomées. Et on utilise ces assemblages pour créer des indicateurs d'état fonctionnel des habitats, de qualité fonctionnelle des habitats. Et ils ont intercalibré ces nouveaux indicateurs ADNE avec ce qu'ils faisaient via la microscopie. Et ils arrivent à avoir quelque chose de très bien entre les deux, d'être très corrélé. Et du coup, maintenant, ça va pouvoir être utilisé en routine. Pour les autres applications, ça n'a pas du tout été fait, cette intercalibration. Donc, on ne comprend pas encore exactement comment on va pouvoir utiliser ce type d'outils pour pouvoir faire vraiment de la surveillance ou de l'inventaire en routine ou autre. L'autre chose qui était très importante sur laquelle je voulais revenir, c'était pour illustrer ça, nous on a des projets de suivi temporel, par exemple sur la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un projet où il y a eu un arasement de barrage et on suit les communautés de poissons dans le temps, deux fois par an, depuis 5 ou 6 ans. Et on se rend compte que dans une période de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, les conditions au moment où on fait les prélèvements sont jamais les mêmes. Il y a des moments où c'est des crues, des moments où c'est des, au contraire, c'est complètement sec. Il y a la température est pas la même autre. Et du coup, les données qu'on récupère sont énormément impactées par ça. Il y a des espèces qu'on voit plus du tout parce que les conditions, l'ADN est complètement dilué, etc. Donc ça montre clairement qu'il y a un facteur clé de l'environnement. Mais c'est pas parce qu'on les repère plus du tout qu'elles ne prennent pas des itinéraires un petit peu déviés sans forcément, oui. Ça peut être lié, l'écologie de l'espèce peut changer à cause des conditions, ou ça peut être la détectabilité de l'espèce qui change à cause des conditions. Elle est peut-être toujours présente, mais on la détecte pas parce qu'il y a trop d'eau, par exemple. Oui. Lucie Zinger, là, on perçoit toutes les perspectives d'évolution de l'ADN environnemental et de son intégration dans les études scientifiques. Quelles autres perspectives, vous voyez, en tout cas, des modifications à apporter dans les années à venir qui vous semble crucial, et en tout cas des domaines de recherche qui sont en train de se pencher sur ces questions-là. Là actuellement, clairement il y a les problèmes de quantification, donc d'abondance. Enfin, ça c'est vraiment une limite importante de l'approche, parce que l'abondance elle renseigne beaucoup sur le fonctionnement des systèmes. Vis-à-vis de l'ADN environnemental tel qu'on l'utilise avec des approches de PCR, en tout cas, on a un problème aussi de résolution, c'est-à-dire que les fragments sur lesquels, enfin les molécules d'ADN sur lesquelles on travaille, sont pas assez longues pour nous donner à tous les coups l'identité de l'espèce. On va avoir peut-être l'identité du genre, l'identité de la famille, mais pas forcément l'identité de l'espèce. Et ça, c'est un problème sur lequel il faut effectivement qu'on s'améliore là-dessus, et qui n'est pas forcément solvable pour tout le monde. Donc clairement, il y a des enjeux sur ces aspects-là. Et après, c'est aller peut-être plus... Enfin, je pense que l'un des enjeux qu'on a aussi actuellement, et là, je parle plutôt en tant que microbiologiste, c'est vraiment mieux comprendre le fonctionnement, quel est le rôle de ces espèces dans l'écosystème. Et par leur génome, en fait, on peut potentiellement avoir accès à cette information de leur fonction dans l'écosystème et donc de mieux connecter ça avec des services écosystémiques. Donc ça, je pense, fait partie des enjeux qu'on a actuellement sur. Erwan Kéméré, sur cette même question. Après, on peut se dire aussi que les technologies, elles évoluent constamment et que du coup, là, on a beaucoup parlé de PCR, mais les séquenceurs, on atteint des séquenceurs qui ont qui séquencent maintenant des millions et des millions et millions de séquences et qu'on peut espérer, dans un avenir proche, se passer complètement de cette étape de PCR et de séquencer complètement les génomes entiers et du coup, de pouvoir peut-être avoir des approches plus résolutives sur les espèces. Et puis aussi, ce qui est important, je pense, en termes de défi, c'est d'arriver à démocratiser un petit peu ce genre d'approche, entre guillemets, parce qu'on l'a bien compris que c'était quelque chose d'assez technique, finalement, mais pouvoir les mettre dans les mains des gestionnaires ou autres. Donc, il y a beaucoup de projets actuellement, justement, sur comment essayer de, avec les sciences participatives, préparer des kits qu'on va donner à des gens sur le terrain pour eux-mêmes aller faire les filtrations. Et puis après, peut-être essayer d'avoir des séquenceurs aussi qui sont beaucoup plus portatifs. Il existe toute une génération de séquenceurs qui sont pas plus gros que les mini-ions, qui sont pas plus gros qu'une clé USB qu'on branche en ordinateur, et après avoir fait la préparation des librairies, on va pouvoir déposer ça dans notre clé USB et analyser en direct les séquences qui sont présentes. Donc voilà, on peut espérer peut-être effectivement avoir ça, et puis peut-être des capteurs passifs, des analyseurs passifs, avoir des stations autonomes d'enregistrement. Donc ça, c'est un peu de la science-fiction, mais on y approche doucement. On s'en approche. Lucie Zinger ? Je pense que, en plus de l'aspect moléculaire, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect moléculaire, vu qu'on travaille avec l'ADN, mais il ne faut pas oublier que, en fait, la grosse partie de l'analyse a posteriori, elle se fait in silico, donc sur un ordinateur. Et donc, en fait, toute la génération de ces données-là, ça pose des questions de stockage, de ressources computationnelles pour pouvoir manipuler ces données, comparer ces données à des bases de référence qui sont de plus en plus énormes. Et donc, du coup, il y a aussi du challenge à ces niveaux-là, un peu plus computationnel et informatique. Erwan Kéméré, est-ce que vous pouvez me faire rêver ? Est-ce qu'on aura bientôt une espèce de météo de la biodiversité où, grâce à ce type de séquenceurs qui seront installés dans certaines zones du globe, on pourra dire, tiens, à cet endroit, il y a un renard qui est passé, là, à cet endroit, on peut trouver tel type de bactéries, on peut trouver tel type d'éléments, ou bien c'est encore largement de la science-fiction ? Il y a encore beaucoup de défis à relever, on les a énumérés, mais effectivement, du point de vue technologique, on a des choses qui apparaissent qui sont assez surprenantes. Des stations autonomes d'échantillonnage, d'analyse pas encore, mais effectivement les deux existent, hein. On a des séquenceurs portatifs, voilà, il y a beaucoup de défis à relever, mais on peut espérer avoir ça. Et puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que on a vraiment besoin d'avoir des données de biodiversité à petite et grande échelle pour comprendre un peu l'impact des activités humaines sur la biodiversité. Et on a de la donnée, on va dire, description des habitats via les imageries satellitaires et autres, on a l'intelligence artificielle, on a tout ça. Il nous manque la composante de biodiversité pour mettre tout ça dans des modèles. Et clairement, effectivement, l'avenir, il est là. Lucie Zinger, il nous reste 30 secondes. Un petit mot de conclusion. J'ai vu que vous souhaitiez réagir. Non, enfin, je pense que on est sur la bonne voie pour pouvoir lancer des observatoires génomiques à grande échelle et aussi à fine résolution temporelle pour mieux comprendre la biodiversité. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir fait rêver quand même avec cet outil très très précieux qu'est l'ADN environnemental. À présent, il est l'heure comme chaque jour de retrouver Alexandra Delbo qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Comment la fécondité mondiale va-t-elle évoluer ? Et on parle bien de fécondité et pas de fertilité. Ces deux mots ont une traduction inverse en anglais. Fertility pour fécondité, fecundity pour fertilité. Donc, cela peut être source de confusion. Et même en français, on intervertit parfois les termes. Pourtant, ce sont deux notions bien différentes. La fertilité se rapporte à la possibilité d'avoir un enfant, alors que la fécondité fait référence à une réalité, celle d'avoir un enfant. Cette fécondité s'exprime généralement avec l'indicateur du nombre d'enfants par femme. En 2020, ce chiffre s'élevait en France à 1,83. Il est plus imposant que dans le reste de l'Union européenne, certes, mais un peu comme partout dans le monde, surtout dans les pays à plus fort revenu, ce chiffre est en baisse depuis les années 50. Luc Multinier est épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM. La question du déclin démographique, en fait, reflète un phénomène sociétal, tout simplement que depuis la période où les femmes maîtrisent particulièrement leur conception, donc à travers les différentes méthodes de contraception, eh bien, ça a eu un effet régulateur au niveau de l'ensemble des pays du monde. Donc ça, c'est un effet purement mécanique, je dirais, des temps bonnernes, où on passe bien sûr des familles avec un nombre moyen d'enfants très élevé, 5, 6, etc., pour en arriver à 2 ou même moins, puisqu'actuellement, certains de ces indicateurs nous montrent que dans certains pays, ils sont de l'ordre de 1,3 enfants par femme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est là où un aspect plus biologique s'ajoute, qui est le fait que les femmes, de plus en plus, au niveau mondial, souhaitent avoir des enfants plus tardivement. Et qui dit enfant plus tardivement dit décalage dans la procréation et diminution cette fois de la fertilité. Les femmes peuvent ainsi mettre plus de temps à procréer et donc avoir moins d'enfants au final. L'enjeu est de savoir à quel point la fécondité peut baisser à l'échelle mondiale. C'est ce que fait régulièrement le GBR, le Global Burden of Disease, une grande collaboration internationale qui étudie habituellement la mortalité et tous ses facteurs. Et dans cette étude parue dans The Lancet, ces scientifiques se sont penchés sur la fécondité. Ils ont compilé énormément de données des Nations Unies et de chaque pays, dans une analyse rétrospective d'abord, puis prospective à l'horizon 2050 et 2100. Ce n'est pas la première fois qu'on établit des projections de la fécondité. L'originalité de ce travail tient à sa globalité. Il a intégré 204 pays et territoires. C'est l'une des plus larges études jamais réalisées sur le sujet. Et résultat, en France, l'indice de fécondité moyen tombera autour d'1,4 à la fin du siècle et au niveau mondial, à près d'1,6 enfants par femme. C'est donc sous le seuil de renouvellement de la population, et c'est une projection un petit peu plus pessimiste que prévu. En fait, ça ne fait que confirmer ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a un déclin de la fécondité globale. On le voit particulièrement dans certains pays comme le Japon, on le voit également dans de nombreux pays européens, par exemple l'Espagne, etc., etc. Par rapport à ce qu'on sait en termes d'évolution démographique des populations, on ne découvre rien de nouveau. Le côté un peu plus pessimiste que ce qu'on imaginait, il faut le prendre avec une certaine prudence parce que il y a dans les projections énormément d'incertitudes et de facteurs qu'on ne maîtrise toujours pas. Un déterminant de la natalité peut être tout simplement le contexte économique, vous voyez, d'une zone du monde. Donc certes, ces projections sont un peu plus pessimistes que les précédentes, mais ça ne préjuge de rien. Par contre, je pense que ce genre d'exercice a le mérite de faire que la classe politique de chaque pays se trouve face à ses responsabilités et qu'il ne puisse pas dire « on ne savait pas ». Impossible de ne pas avoir en tête ce fameux réarmement démographique prôné par Emmanuel Macron, qui amalgame d'ailleurs fécondité et fertilité, puisque le projet gouvernemental nataliste envisage la création d'un bilan de fertilité à 25 ans, alors qu'on l'a dit, fertilité et fécondité, si elles sont imbriquées, ne découlent pas l'une de l'autre, et que, selon de nombreux spécialistes, un tel bilan n'aurait pas vraiment de sens. Côté infertilité d'ailleurs, elle n'augmente pas en France et reste relativement stable, et les baisses en termes de qualité et quantité de la fertilité masculine, dont on entend souvent parler, n'ont en réalité pas d'incidence prouvée sur la fécondité. Merci beaucoup Alexandra Delbo. On vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD, Natacha Triou, Noémie Naga de Saint-Vulfrance, Aline Lausanne, Garance Proma Agnolo, Eve Etienne, Bruno Sansigny, Natacha Demoule, Alexandre Morales, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Vous pouvez nous réécouter sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve très bientôt dans La Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.